L'homme aux neuf vies, une enquête de Madeleine Mack, détective, par Hugues C. Ware. Chapitre 1er. Maintenant que je cherche un point de départ à la curieuse amitié qui s'est liée entre Madeleine Mack et moi, les étranges problèmes de la frivolité des hommes que nous avons affrontés ensemble me reviennent brutalement. Peut-être que les événements qui se sont accumulés dans ma mémoire se sont succédés trop rapidement pour être digéré de manière réfléchie au moment où ils se sont produits. Peut-être que seule une rétrospective sobre peut fournir un angle de vue approprié. Madeleine Mack. Quel lecteur de journaux ne connaît pas ce nom? Qui, même parmi ceux qui suivent les événements publics avec le plus de désinvolture, ne se souvient pas de la jeune femme qui a retrouvé l'héritière disparue, Virginia Denton, après 3 mois de disparition, qui a condamné Archie Irwin, chef du Firebug Trust, qui a localisé le fugitif Walcott après une poursuite de Chicago à Khartoum, qui a résolu l'énigme du double meurtre de Peterson, qui... Mais pourquoi poursuivre l'énumération des succès de Mademoiselle Mack? Ils sont presque connus de tous, du moins de ceux, qui pour une raison ou pour une autre ont trouvé leur place dans les colonnes des journaux. Sans doute les admirateurs de Mademoiselle Mack, dont l'opinion était formée par les chroniques de presse de ses exploits, serait-il surpris d'apprendre que pas une de ces affaires sur 10 n'a été dévoilée à la justice et au public, et nombre d'entre elles, les plus sensationnelles du point de vue de la presse, ne le seront jamais. Mais c'est la femme elle-même qui m'a toujours semblé un plus grand mystère que tous les problèmes qu'elle a réussi à résoudre grâce à son merveilleux génie. Malgré le déluge d'encre d'imprimerie qu'elle a déclenché, je me demande s'il était donné à plus d'une douzaine de personnes de connaître la véritable Madeleine Mack. Je ne parle pas, bien sûr, de sa carrière professionnelle. Les points saillants de cette partie de sa vie, je présume, sont plus ou moins généralement connus. La jeune étudiante confrontée soudainement à la nécessité de gagner sa vie. L'épidémie de mystérieux cas de vol à l'étalage relatée dans le journal qu'elle lisait à la recherche d'annonces d'emploi. Sa demande au grand magasin de New York qui avait été victime pour une place dans leur équipe de détectives et leur refus brutal. Sa détermination soudaine à entreprendre l'enquête en tant qu'indépendante et son succès remarquable qui avait abouti à la condamnation de la tristement célèbre Madame Bouzard et qui avait assuré à Mademoiselle Mack son premier poste en tant qu'assistante détective au sein de la célèbre entreprise Nigel. Je pense parfois que cette première affaire et la prise de conscience de son talent particulier est la préférée de Madeleine, qu'elle se place même, dans sa mémoire, au-dessus de la récupération du collier de perles de Madame Nigel, d'une valeur de $50,000, volée quelques mois après l'embauche de l'apprenti détective au magasin, et dont la récompense avait d'ailleurs permis à l'ambitieuse Mademoiselle Mack d'ouvrir sa propre petite agence. Vint ensuite l'affaire de l'enlèvement de Bergner, qui offrit à Madeleine sa première grande publicité et qui marqua le début d'un flot d'affaires régulier qui aboutit, au bout de 3 ans, à sa grande agence de la 5e avenue dans le Maddox Building, où je l'avais trouvé lors de cet après-midi mémorable, pour moi, où un rédacteur en chef du dimanche, plein de bon sens, m'avait envoyé pour une interview avec la femme qui avait réussi de façon si notoire dans une profession d'homme. Je peux voir Madeleine maintenant, comme je la vis à l'époque. C'était la première fois que je me trouvais près d'elle. Elle venait de rentrer d'Omaha ce matin-là et prévoyait de partir pour Boston par l'express de minuit. Une valise et un gros dossier rempli de documents étaient posés sur une chaise dans un coin. Une jeune sténographe prenait un certain nombre de lettres en dictée à une vitesse presque incroyable. Mademoiselle Mack terminait le dernier paragraphe en se levant de derrière son bureau pour me saluer. J'avais vaguement imaginé une femme d'apparence masculine, à la voix sèche, aux traits marqués, peut-être vêtue d'une robe sévère, faite sur mesure. Je vis une jeune femme d'environ 25 ans, aux joues roses, couronnée d'une masse de cheveux blonds légèrement ondulés, et une paire d'yeux gris-bleu plein de vivacité qui faisait immédiatement oublier tous les autres détails de son apparence. Il y avait dans son regard une qualité que j'ai longtemps été incapable de définir. Peu à peu, j'ai compris qu'il s'agissait de l'esprit d'optimisme, de la joie de vivre et de travailler, de l'exaltation de faire les choses. Et il y avait quelque chose de contagieux là-dedans. Presque inconsciemment, on se mettait à croire en elle et en sa sincérité. Mon appréciation n'était aucunement influencée par le fait qu'elle était une femme. Elle était vêtue d'une simple chemise blanche brodée et d'une jupe en toile blanche. L'une des rares particularités de Madeleine est qu'elle s'habille toujours en blanc ou en noir. Sur son bureau se trouvait un pot de chrysanthème blanc. « Comment je fais ? » répéta-t-elle en réponse à ma question, sur un ton qui était presque un rire. « Comment ? » ?»« Par un travail acharné, je suppose. Oh, il n'y a rien de magique là-dedans. On peut presque tout réussir, vous savez, si l'on pense que l'on peut y arriver. Je ne suis pas du tout extraordinaire ou anormal. Je résous mes enquêtes comme je résoudrais un problème de mathématiques, mais au lieu de chiffres, je manipule des motivations humaines. Un détective entre toujours en possession de certaines données connues, et je ne cesse de les ajouter ou de les retrancher selon le cas, jusqu'à ce que je sache que la réponse doit être la bonne. Il n'y a que deux véritables règles pour réussir en tant que détective, le travail acharné et le bon sens. Pas le bon sens que l'on associe à notre vieil ami Sherlock Holmes, mais le bon sens, le sens des affaires. Et bien sûr, l'imagination. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi ce que vous appelez un succès. Une femme, je pense, a toujours une imagination plus fertile qu'un homme. Vous préférez donc avoir des femmes dans votre équipe, demandai-je. Elle leva les yeux scintillants du coupe-papier de jade qu'elle tenait dans ses mains. « Dois-je vous confier un secret ? Tout mon personnel, à l'exception de ma sténographe, est composé d'hommes. Mais je fais la plupart de mon travail en personne. Le facteur de l'imagination ne peut pas être correctement utilisé en deuxième, troisième ou quatrième main. Et puis, si j'échoue, je ne peux que blâmer Madeleine Mack. » Un jour, la lueur dans ses yeux gris-bleus s'accentua. Un jour, j'espère atteindre un point où je pourrais me permettre de ne faire que du travail de consultant ou de l'investigation personnelle. Je crains que le travail de bureau ne soit un peu trop routinier pour moi. Le téléphone sonna, elle prononça quelques phrases en le combiné et se retourna. L'entretien était terminé. Lorsque je la revis pour la deuxième fois, 3 mois plus tard, nous nous retrouvâmes devant le corps de Maurice Anthony, le bibliophile assassiné. Ce fut une découverte fortuite de ma part, dont Madeleine eut la bonté de dire qu'elle lui avait suggéré la solution de l'affaire qui nous avait réunis lors de la mélodramatique scène finale dans le sinistre manoir de Washington Square. Je suppose qu'alors, mon cri hystérique l'avait sauvé des crocs du cobra caché du docteur Lester Randolph. Quoi qu'il en soit, notre relation professionnelle se mua progressivement en une amitié qui révolutionna 2 aspects de ma vie. Non seulement la personnalité de Madeleine Mack me stimula, mais elle me donna un accès exclusif à un fonds d'archives de journaux qui me permit de passer des chroniques dominicales payées à l'unité à un bureau dans la salle des informations, avec un revenu 2 fois plus élevé que celui que je gagnais auparavant. J'ai toujours soutenu que dans notre relation, Madeleine donnait tout et que je ne contribuais en rien, bien qu'elle ait toujours réfuté cet état de fait et qu'elle ait fini par m'emmener au Rosaire, son chalet sur le Hudson, pour guérir ce qu'elle appelait mon blues, elle n'a jamais pu me convaincre que ma réflexion n'était pas justifiée. C'est au Rosaire que Mademoiselle Mack trouvait un refuge contre le stress des affaires. Elle avait copié son plan sur celui d'un chalet suisse enchevêtré de lierre qui avait attiré son attention lors d'une excursion dans les Alpes pendant les vacances d'été et l'avait fait construire sur une falaise déchiquetée de la rivière à un endroit assez proche de la ville pour permettre un déplacement en voiture assez commode, bien que, pendant les premières années de notre amitié, malgré son acharnement au travail, il se passait souvent des semaines sans qu'elle puisse y passer une journée. En fin de compte, c'est la gratitude de Chalmers Walker, l'agent de théâtre, pour le travail remarquable qu'elle avait accompli et qui avait permis à sa femme, choriste, de se libérer de l'emprise des preuves indirectes dans le meurtre de Dempster, qui avait permis à Madeleine de réaliser son rêve de longue date, de s'installer comme experte conseil. Bien qu'elle conservât un bureau en ville, celui-ci se limitait à une pièce et à une petite salle de réception et elle ne s'y rendait que 2 jours par semaine. Le reste du temps, lorsqu'elle ne s'occupait pas directement d'un dossier, elle n'apparaissait que rarement en ville. Ses fleurs et sa musique, elle était passionnément dévouée aux unes et à l'autre, semblaient la satisfaire totalement. Je l'accusais de vieillir, ce à quoi elle répondait par un haussement d'épaule. Je lui reprochais d'être cynique, et elle souriait d'un air impénétrable. Mais son mode de vie ne changea pas. D'une certaine manière, je l'enviais. C'était un peu comme si je regardais le monde d'en haut, et que j'observais avec tolérance sa course folle vers un inaccessible rêve. Les jours que je passais au rosaire, surtout en été, lorsque le jardin de Madeleine ressemblait à un tableau de Turner, me dégoûtaient presque de la ville de Park Row. Mais une femme qui travaille dans un journal ne peut pas se laisser aller au rêve d'un génie que la fortune a béni. C'est peut-être la raison pour laquelle les invitations de Madeleine arrivaient avec une fréquence et une subtilité auxquelles il était impossible de résister. D'une manière ou d'une autre, elles me parvenaient toujours lorsque j'étais d'humeur réceptive. C'est en fin d'après-midi d'un jeudi de juin, point culminant de 5 jours épuisants pour moi sous le soleil brûlant de Broadway, que le véhicule de Madeleine me rattrapa devant les bureaux du Bugle, et Madeleine insista pour me faire monter dans la voiture sans même une valise. « Nous atteindrons le rosaire à temps pour le poulet frit du dîner, » promit-elle. « Ce dont vous avez besoin, c'est de 4 ou 5 jours de repos, où vous ne sentirez pas l'odeur de l'asphalte. Vous êtes ma bonne fée. » Je respirais, en me blottissant dans les coussins. Ni l'une ni l'autre ne savions que la voix sanglante du crime se dirigeait déjà vers nous, que dans les 12 heures qui suivraient, nous allions être précipités d'un week-end de repos tranquille dans le tourbillon de la tragédie. Chapitre 2. Nous avions déjeuné tard en prenant notre temps. Lorsque nous eûmes enfin terminé, Madeleine insista pour que l'on apporte son phonographe dans la roseraie et que nous écoutions l'incomparable interprétation par Stuyvesant de l'air des bijoux, l'un des 3 disques pour lesquels Mademoiselle Mac avait envoyé à l'harpiste la veille son chèque de $200. Je profitais de l'occasion pour lui donner une leçon de farniente. Alors que les notes plaintives cessaient, Susan, la gouvernante de Madeleine, traversa le jardin et déposa une petite pile de lettres et les journaux du matin sur une table rustique près de notre banc. Madeleine se tourna vers sa correspondance avec un haussement d'épaules. Du divin au prosaïque. Susan renifle avec la liberté que confère cette année de service. J'ai entendu la semaine dernière au Hammerstein un violoniste qui pouvait jouer cette musique les yeux fermés. Madeleine la regarde avec tristesse. À votre âge, le Hammerstein. Susan jeta un regard méprisant sur le phonographe en guise de représailles et battit dignement en retraite. Dans l'embrasure de la porte, elle se retourna. Oh, mademoiselle Madeleine, je prépare un de vos gâteaux aux fraises à l'ancienne pour le déjeuner. Vraiment? Madeleine leva une paire d'yeux pétillants. Susan, vous êtes un amour. Un sourire satisfait enveloppa le visage de Susan. Le regard de Madeleine se porta sur moi. Pourquoi gloussez-vous, Nora? D'un point de vue psychologique, vous m'avez fourni 2 études intéressantes, dis-je en riant. Une seule phrase permet à Susan d'oublier une semaine de votre morosité. Madeleine tendit la main vers son courrier. Et quelle est l'autre caractéristique qui plaît à votre esprit d'analyse? Imaginez une détective de renommée mondiale s'enthousiasmer à l'évocation d'un gâteau aux fraises. Pourquoi pas? Même une détective doit être humaine de temps en temps. Ses yeux brillèrent. Un autre point pour ma mémoire, mademoiselle Nora Kerr. Tandis que son regard se posait sur la lettre entrouverte qu'elle tenait à la main, mes yeux parcouraient le jardin jusqu'au contour du chalet et je poussai un soupir de contentement. Broadway et Park Row semblaient très, très loin. En détournant momentanément mon regard, je vis qu'une ligne aussi nette qu'un trait de crayon s'était tracée sur le front de mademoiselle Mac. L'impression d'indifférence qui se dégageait de son attitude s'était évanouie comme un voile emporté par le vent. Son regard rencontra soudain le mien. L'étincelle que j'avais aperçue un instant avant dans ses yeux avait disparu. Silencieusement, elle me tendit une feuille carrée, noircie d'une écriture serrée et minuscule. « Ma chère madame, lorsque vous lirez ceci, il est tout à fait possible que cette lettre vous provienne d'un homme mort. Mon ami Cosmo Hamilton m'a dit que vous étiez une femme remarquable, bien que je dise d'emblée que je n'ai guère confiance dans les capacités d'analyse du cerveau féminin, je suis prêt à accepter le jugement de Hamilton. Je ne peux évidemment pas discuter des détails de mon problème par correspondance. Pour vous inciter à agir rapidement, je peux cependant dire qu'au cours des 5 derniers mois, on a tenté à ma vie pas moins de 8 fois, et je suis convaincu que la 9e tentative, si elle a lieu, sera couronnée de succès. Ce qui est curieux, c'est que je suis absolument incapable de deviner la raison de cette vendetta persistante. Pour autant que je sache, il n'y a personne au monde qui puisse souhaiter mon élimination. Et pourtant, On m'a tiré dessus à 4 reprises, des voyous m'ont foncé dessus 1 fois, une voiture en excès de vitesse m'a frôlé 2 fois, et ce soir, j'ai trouvé une petite dose astucieuse de cyanure de potassium dans ma tarte aux cerises préférée. Et tout cela à l'ombre d'un élevage de mouffets du New Jersey. Il est grand temps, je pense, que j'obtienne l'avis d'une experte. Si par hasard, l'évolution de cette mystérieuse vendetta m'empêchait de vous recevoir personnellement, ma nièce, Mademoiselle Muriel Johnson, s'efforcera, j'en suis sûr, de me remplacer. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments respectueux. Wendell Marsh. Three Forks Junction, NJ, 16 juin. Au bas de la page, un crayon avait griffonné une seule ligne, dans la même écriture serrée. Pour l'amour de Dieu, dépêchez-vous. Madeleine resta recroquevillée sur le banc, le regard fixé sur un buisson de roses d'un rouge profond. Wendell Marsh. Elle reporta son regard sur moi d'un air songeur. N'ai-je pas vu ce nom quelque part récemment? Madeleine dit toujours que j'ai une mémoire formidable pour tout ce qui est publié dans les journaux. Vous auriez dû lire les suppléments du dimanche, répondis-je, en me rappelant vivement Wendell Marsh, tel que je l'avais vu pour la dernière fois, 6 mois auparavant, lorsqu'il traversait la passerelle de son bateau à vapeur, fraîchement arrivé d'Angleterre, le visage bruni par les vents de l'Atlantique. C'était un visage qui attirait le regard, presque décharné, volontaire, avec plus qu'un soupçon de cynisme, particulièrement quand ses yeux se posaient sur les membres de la presse. Quelqu'un l'avait un jour comparé au portrait d'Oliver Cromwell. Wendell Marsh est l'un des plus grands éditorialistes qui n'ait jamais esquivé un intervieweur, expliquai-je. Il déteste les journalistes comme un fermier du nord de l'État déteste les automobiles, et pourtant il en a constamment une meute à ses trousses. Son dernier coup d'éclat a été l'achat des reliques de Bainford à Londres. Juste avant cela, il a publié une histoire en 3 volumes sur les grands cyniques du monde. Il a payé lui-même la publication. Puis un silence s'installa entre nous, qui se prolongea. J'essayais assez vainement d'associer la lettre mi-hystérique de Wendell Marsh à l'image mentale que je me faisais de l'austère millionnaire. Pour l'amour de Dieu, dépêchez-vous. Quelle terreur déchirante avait poussé le très réservé M. Marsh à lancer un tel appel. En y repensant aujourd'hui, je sais que même mon imagination la plus débridée n'aurait pu imaginer l'horrible vérité. Madeleine se redressa brusquement. « Susan, pourriez-vous dire à Andrew d'amener la voiture immédiatement? Si vous trouvez le plan de New Jersey, Nora, nous localiserons le Three Forks Junction. Vous allez vous y rendre ?» demandai-je machinalement. Elle glissa du banc. Je commence à redouter que nous devions reporter notre gâteau aux fraises. Chapitre 3e. L'œil valide de Daniel Pedicord, livreur de profession et shérif du comté de Merino par élection, s'abaissa sur sa joue gauche. M. Pedicord prend très au sérieux ses devoirs envers les contribuables du comté de Merino. Après avoir baissé son œil valide avec le doute qui sied aux fonctionnaires, tandis que son œil de verre fixait l'avenir sans sourciller, comme s'il ne tenait absolument pas compte de la procédure, M. Pellicord agita un gros pouce rouge en direction de l'escalier en colimaçon situé à l'arrière du hall de Three Forks Junction. « Je pense que M. Marsh est toujours là-haut, Mademoiselle Mac. Vous voyez, je leur ai dit de ne pas déranger le corps jusqu'à ce que... » Nos regards mirent fin à la phrase de façon abrupte. L'œil sain de M. Pellicord subit une violente agitation. « Vous ne voulez pas dire que vous ne savez pas. » Le silence de la grande maison me parut soudain oppressant. Pour la première fois, je m'en rendis compte de l'étrangeté du fait que nous ayons été reçus par un policier mal à l'aise plutôt que par un membre de la famille. Je prenais brusquement conscience de l'incongruité de la silhouette maladroite de M. Pellicord sur l'arrière-plan sombre et luxueux. Madeleine saisit le bras du chef, ce qui amena son œil valide à se tourner vers elle. « Dites-moi ce qui s'est passé. » M. Pellicord passa un grand mouchoir rouge sur son front. Wendell Marsh a été retrouvé mort dans sa bibliothèque à 8 heures ce matin. Il était mort depuis des heures. Tic-tac, tic-tac. Mon hébétude était rythmée par une grande horloge dans le coin. Je la fixais d'un air morne. Les mains de Madeleine s'étaient bloquées derrière son dos, ses veines se gonflant en crête bleue et acérée. M. Pellicord tenait toujours son mouchoir rouge. « C'est curieux que vous n'en ayez pas entendu parler. J'ai pensé que c'était ce qui vous avait fait venir. Ça ressemble à un meurtre. » Dans les yeux de Madeleine était apparu un éclat grisâtre, comme de l'acier froid. ou à le corps, à l'étage, dans la bibliothèque. Monsieur Marché était en train de travailler. Voulez-vous bien me montrer la pièce ? Je ne pense pas que nous ayons noté à l'époque la netteté de son ton et certainement pas un quelconque ressentiment. Madeleine avait pris le contrôle de la situation comme une évidence. Pouvez-vous également faire passer ma carte à la famille ? Monsieur Pellicord rangea son mouchoir dans la poche arrière de son pantalon. Sous son manteau bleu, un coin rouge dépassait de manière désinvolte. Il n'y a pas de famille, du moins par Muriel Johnson. Sa tête se dirigea prudemment vers l'escalier. C'est sa nièce, et je pense que tout ici est à elle. Sa femme de chambre dit qu'elle est complètement bouleversée. Elle n'a quitté sa chambre qu'une seule fois depuis que c'est arrivé. Et c'était pour me dire que rien ne devait être dérangé. Monsieur Pellicord se redressa en fronçant les sourcils, comme si un officier expérimenté ne savait pas cela. Madeleine jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le bout du couloir. Un homme en livrée rustique, au visage fin et aux traits durs, nous regardait avec des yeux fixes. Monsieur Pellicord haussa les épaules. « C'est Peters, le majordome. C'est lui qui a trouvé Monsieur March. » Je pouvais sentir le regard qui nous suivait jusqu'à ce qu'un tournant dans les escaliers bloque leur portée. Une pièce rougeoyante, d'un rouge oppressant. Des murs recouverts de fresques écarlates, des draperies d'un rouge profond, des meubles en cerisier, des tapis rouges d'Andrinople, des rangées de livres à reliures rouges. Au-dessus, une grande verrière ouverte sur le ciel d'un coin à l'autre, à travers laquelle les éclats du soleil sur les riches couleurs donnaient l'étrange impression d'une piscine cramoisie presque au centre de la pièce. Telle était la bibliothèque de Wendell Marsh, aussi excentrique que son maître. C'est un champ de ruines que nous trouvâmes. Des vases brisés jonchaient le sol, des livres avaient été sauvagement déchirés, des rideaux pendaient en ruban, un lourd fauteuil en cuir avait été fracassé. Le désastre aurait pu marquer la lutte à mort de géants. Au milieu des décombres, Wendell Marsh gisait sur le dos. Son visage était ridé, ses yeux fixes. Il n'y avait aucune trace de blessure, ni même d'ecchymose. Dans sa main droite, il tenait un objet que je ne voyais pas bien. Je me rapprochais, comme attiré par un aimant. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette scène horrible. Et puis j'eus peine à retenir un cri. Les doigts morts de Wendell Marsh tenaient une pipe, un bol en grès rouge étrangement sculpté et un long tuyau luisant. Le shérif Pellicord nota la direction de mon regard. Monsieur Marsh a obtenu cette pipe à Londres, avec les autres reliques qu'il a rapportées. On dit que c'est la première pipe fumée par un homme blanc. Les Indiens de Virginie l'ont donnée à un certain Sir Walter Raleigh. Monsieur Marsh a fait poser un nouveau tuyau et son majordome dit qu'il la fumait tous les jours. C'est curieux, n'est-ce pas, comme les goûts des uns et des autres varient. Le shérif s'humecta les lèvres sous sa moustache jaune et hirsute. Sa tête balaya vaguement la pièce dévastée. C'est probablement le résultat d'une lutte. Madeleine se dirigea vers une paire de rideaux enrubannés et les toucha d'un air songeur. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus bizarre. Le chef jeta un coup d'œil à Madeleine. Il n'y a aucun moyen pour quiconque de sortir ou d'entrer. Madeleine se pencha plus bas sur les rideaux. Il semblait la fasciner. La porte, hasarda-t-elle distraitement, elle était fermée à clé. De l'intérieur. Peters et le valet de pied ont vu la clé lorsqu'ils sont entrés par effraction ce matin. Peters jure qu'il a entendu M. Marsh la tourner lorsqu'il l'a laissée à 10 heures hier soir. Les fenêtres, parfaitement closes, et même si elles ne l'étaient pas, elles se situaient à 10 mètres du sol. Le toit, peut-être. Un chat aurait pu passer par là, si sa couverture n'était pas aussi close que les fenêtres. M. Pellicord parlait avec une nette inflexion de triomphe. Madeleine regardait toujours les rideaux. N'est-il pas étrange que les bruits de la lutte, ou quoi que ce soit d'autre, n'aient pas alerté la maison ? Le shérif Pellicord me considérait manifestement comme une étrangère. Il répondit à ma question avec une brièveté évidente. « Vous pourriez tirer un coup de tromblon ici que personne ne s'en apercevrait. » On dit que Marsh a fait insonoriser la pièce. De plus, les domestiques ont un bâtiment pour eux seuls, à l'exception de la bonne Mademoiselle Johnson qui dort dans une chambre à côté d'elle, à l'autre bout de la maison. Mes yeux revinrent sur la silhouette crispée de Wendell Marsh, sur son visage parcheminé, sur ses yeux glacés par l'horreur, sur sa main crispée sur l'étrange pipe. Je crois que c'est la pipe qui retint mon regard. De toutes les incongruités, une pipe dans la main d'un mort. C'est peut-être la même pensée qui amena Madeleine à traverser soudainement la pièce. Elle se baissa, écarta les doigts du mort et se leva, la pipe à la main. Un nouveau tuyau avait manifestement été ajouté d'une manière que je jugeais être du jasmin. À son extrémité, des marques de dents l'avaient presque transpercé. Le bol de pierre était rempli, descendant froid d'un tabac à moitié consommé. Madeleine la regarda d'un air songeur. « Curieux, n'est-ce pas, shérif, qu'un homme engagé dans une lutte pour la vie ou la mort s'accroche à une lourde pipe ?»« Je suppose que oui. Mais la question, mademoiselle Mac, est de savoir ce qu'est devenu cet autre homme. Il n'est pas naturel que M. March se soit battu contre lui-même. »« L'autre homme ?» répéta Madeleine machinalement. Elle remuait le bord des cendres. « Et comment diable M. March a-t-il été tué ?» Madeleine contempla son doigt couvert de poussière. « Voulez-vous me faire une faveur, shérif ?»« Laquelle Bien sûr. Veuillez demander au majordome si M. March a mangé une tarte aux cerises hier soir. » Le shérif déglutit. « Une tarte aux cerises ?» Madeleine leva les yeux avec impatience. « Je crois qu'il adorait ça. » Le shérif se dirigea vers la porte d'un pas incertain. Les yeux de Madeleine se tournèrent vers moi. « Vous pouvez y aller aussi, Nora. » Pendant un instant, je fus tenté de me rebeller, mais Madeleine fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Dans un silence que je voulais contrarier, je suivis la silhouette enrobée de bleu du shérif. Lorsque la porte se referma, je vis que Madeleine était toujours en train d'observer la pipe de Raleigh. Du haut de l'escalier, le shérif Pellicord me jeta un regard suspicieux. « Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'est devenu cet autre homme. » Chapitre 4e. Une silhouette vêtue de noir, aperçue par une lucarne au bout du couloir du deuxième étage, se retourna brusquement lorsque nous atteignîmes le palier. Un visage blanc étiré, évoquant celui d'un enfant fatigué, nous fixait sous une masse de cheveux châtain roux, chutant de part et d'autre d'une raie négligée. Je suis immédiatement qu'il s'agissait de Muriel Johnson, maîtresse de la maison de la mort, pour le moment du moins. Le médecin légiste est-il arrivé, shérif ? Elle parlait d'une des voix les plus agréables que je n'ai jamais entendue. N'eût été sa chevelure de bronze, j'aurais tout de suite pensé qu'elle était d'origine latine. Elle semblait à peine s'apercevoir de ma présence, non pas en se montrant distante, mais plutôt comme si elle avait été privée même de toute curiosité. « Pas encore, mademoiselle Johnson. Il devrait être là d'un instant à l'autre. » Elle s'approcha de la fenêtre, puis se retourna légèrement. J'ai dit à Peters de télégraphier à New York au docteur Dench quand il vous a mandé. C'était l'un des plus vieux amis de l'oncle. J'aimerais qu'il soit là quand le coroner fera son examen. Le shérif s'inclina maladroitement. Mademoiselle Mac est à l'étage. Le visage pâle nous fixait à nouveau, les sourcils levés. Mademoiselle Mac, je ne comprends pas. Son regard se porta sur moi. Elle a reçu une lettre de M. March par le courrier de ce matin, expliquai-je. Je suis mademoiselle Nora Kerr. M. March voulait qu'elle vienne immédiatement. Elle ne savait pas, bien sûr, ne pouvait pas savoir qu'il était mort. Une lettre de mon oncle ? Une ride de perplexité se dessina sur son visage. J'acquiesçais. Une lettre tout à fait curieuse. Mais mademoiselle Mac préférait peut-être vous donner les détails. Le regard perplexe approfondit. Je sentais que ses yeux fouillaient les miens avec intensité. « Je suppose que mademoiselle Mac sera bientôt là, » proposai-je. « Si vous le souhaitez, je lui dirai. Ce ne sera pas nécessaire, mais vous êtes tout à fait sûr, une lettre ?»« Oui, » répondis-je avec un peu d'impatience. Et puis, sans cri égard, ses mains se portèrent à sa tête et elle s'écroula. Je la reçus dans mes bras et je vis, sur le côté, le shérif Pellicord qui la regardait fixement, bouche bée. « Faites venir sa femme de chambre, » haletai-je. Le shérif sortit tardivement de son hébétude. Alors qu'il se dirigeait d'un pas lourd vers la porte la plus proche, celle-ci s'ouvrit brusquement. Une femme décharnée, d'âge moyen, vêtue d'un tablier blanc impeccable, assimilait la situation d'un regard gris et froid. Sans un mot, elle prit Muriel Johnson dans ses bras. « Elle s'est évanouie, » dis-je. « Puis-je vous aider ?» L'autre s'arrêta avec son fardeau. « Quand j'aurai besoin de vous, je vous le ferai savoir, » lança-t-elle en nous claquant la porte au nez. Dans le sillage du shérif Pellicord, je descendis les escaliers. Une douzaine de points d'interrogation tournaient dans mon cerveau. Pourquoi Muriel Johnson s'était-elle évanouie ? Pourquoi la mention de la lettre de Wendell March avait-elle laissé une telle atmosphère de doute ? Pourquoi la servante à l'allure de dragon, car c'est ainsi que je la voyais, nous aurait-elle fait face avec une telle hostilité? L'impression qu'il y avait des secrets cachés dans la maison sombre et silencieuse s'intensifia soudainement. Avec un vague désir d'air frais et de soleil sur l'herbe, je me dirigeai vers la véranda, laissant le chéri dans le hall s'essuyant le visage avec son mouchoir rouge. Une cour, soigneusement entretenue, aux dimensions généreuses, s'étendait devant moi sur une pelouse nivelée et accueillante. De toute évidence, Wendell Marsh avait prévu une distance suffisante pour demeurer dans l'intimité entre lui et ses voisins. Les premiers badauds attirés par l'odeur de la mort s'agitaient déjà autour du portail. Je savais que le siège de la presse ne tarderait pas à commencer. J'imaginais les rédacteurs en chef frénétiques en train d'envoyer leurs vedettes de leur succursale du New Jersey. Je souris à cette idée. Le Bugle, l'esclavagiste qui présidait à mon propre destin financier, était assuré d'une généreuse avance. Le prochain train en promenant de New York ne devait pas arriver avant la fin de l'après-midi. De la file d'attente autour de la porte, la silhouette d'un jeune homme bien mis, de serge bleu vêtu, se détacha d'un pas chaloupé. « Un journaliste ?» murmurai-je incrédule. Après m'avoir jeté un coup d'œil, il monta les marches et s'arrêta à la porte, attendant une réponse à son coup de sonnette. Mes coups d'œil furtifs ne permirent pas de le classer parmi les stars de la presse new-yorkaise. Peut-être était-il un correspondant local. J'attendais avec une certaine confiance sa déconfiture lorsque Peters recevrait sa carte. Puis je me frottai les yeux. Peters s'éloignait de la porte et l'autre le suivait avec toute l'assurance voulue. J'étais encore haletante lorsqu'une servante, balai à la main, se dirigea en zigzag vers le côté de la véranda où je me trouvais. Elle me sourit en me jetant un regard amical. « Vous êtes détective ?»« Pourquoi » esquivai-je. Elle passa son balai sur le sol. J'ai toujours pensé que les détectives étaient différents des autres personnes. Elle envoya un morceau de poussière à travers la balustrade tout en jetant un coup d'œil dans ma direction. « Oh, vous les trouverez assez humains, » dis-je en riant, « en dehors des romans policiers. » Elle réfléchit à ma réponse d'un air dubitatif. « J'estime qu'il était temps que M. Truxton apparaisse, » lança-t-elle soudain. « Monsieur Truxton, c'est l'homme qui vient d'arriver. Monsieur Homer Truxton. Mademoiselle Johnson va l'épouser. » Une lumière perça mon brouillard. « Il n'est donc pas journaliste. Monsieur Truxton, c'est un avocat. » Le balai continua sa course dilatoire. « Monsieur Marsh ne l'aimait pas. C'est ce qu'on dit. » Je reculai, lissant ma jupe. J'ai retenu la règle essentielle de Madeleine qui consiste à ne jamais montrer un trop grand intérêt pour les ragots d'une servante. La femme de chambre secouait machinalement un tapis. Pour ma part, j'ai toujours pensé que M. Truxton était de loin le meilleur des deux prétendants de Mademoiselle Johnson. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'elle pouvait trouver au docteur Dench. Il est assez vieux pour être son... Dans l'embrasure de la porte, la silhouette imposante du shérif Pédicorde fit un signe. « Vous ne pensez pas qu'il est temps de rejoindre Mademoiselle Mac ? » murmura-t-il. « Peut-être, » répondis-je avec un peu de réticence. Depuis les ombres du hall, l'œil valide du shérif se fixa sur moi, belliqueux. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'est devenu cet autre homme. Lorsque nous nous arrêtâmes sur le deuxième palier, la silhouette bien campée de M. Homer Truxton se penchait vers une porte entrouverte. Au-delà de son épaule, j'aperçus fugitivement un visage pâle sous une frange de cheveux ternes et froissés. De toute évidence, Muriel Johnson s'était remise de son évanouissement. La porte se referma brusquement, mais pas avant que j'ai constaté que ses yeux étaient rougis par les pleurs. Madeleine était enfoncée dans une chaise à dossier rouge devant un énorme bureau plat dans le coin de la bibliothèque, une pile de livres à reliure rouge de Wendell Marsh, provenant d'une armoire à roulettes à côté, s'entassait devant elle. Elle terminait la page qu'elle était en train de lire, une page marquée d'un large crayon bleu, sans laisser entrevoir qu'elle nous avait entendu entrer. Le shérif Pédicorde la regarda avec une déception presque ridicule. Manifestement, Madeleine n'était pas à la hauteur de sa conception des attitudes approuvées pour un célèbre détective. « Étudiez-vous la littérature élisabéthaine, shérif ? » demanda-t-elle soudain. Le shérif gargouilla faiblement. « Si c'est le cas, je suis certaine que vous serez intéressé par la collection de M. Marsh. C'est la plus complète sur le sujet que je n'ai jamais vue. Par exemple, voici un volume sur la vie monacale d'Élisabeth. Peut-être aimeriez-vous que je vous lise ce passage au hasard ?» Le shérif se redressa avec plus de dignité que je ne l'aurais cru. « Nous enquêtons sur un crime, mademoiselle Mac. » Madeleine referma le livre en soupirant. « C'est ce que nous faisons. Puis-je vous demander ce que vous a dit le majordome ? M. Marsh n'a pas mangé de tarte aux cerises au dîner hier soir, s'emporta le shérif. Vous êtes certain ? Puis brusquement, je compris le sens de la question. M. Marsh lui-même l'a mentionné dans sa lettre, m'écriai-je. Les yeux de Madeleine se tournèrent vers moi d'un air réprobateur. « Vous devez vous tromper, Nora. » Elle se leva en jetant un coup d'œil au livre posé sur le bureau. Le shérif Pellicord se dirigea vers la porte, l'ouvrit et fit face en se raclant brusquement la gorge. « Je vous demande pardon, mais, Mademoiselle Mac, avez-vous trouvé des indices dans l'affaire ?» Madeleine s'arrêta de nouveau devant les rideaux enrubannés. « Des indices ?»« L'homme qui a rendu possible la mort de M. Marsh, shérif, était un chimiste expert, d'origine italienne, vivant depuis un certain temps à Londres, et il est mort il y a 300 ans. » De la salle, nous aperçûmes fugitivement le visage du shérif Pellicord, aussi rouge que son mouchoir, puis le visage et le mouchoir disparurent. Je me retournai vers Madeleine avec sévérité. « Vous vous livrez à une plaisanterie absurde, Mademoiselle Mac, tout à fait trop. » Je fis une pause et repris mon souffle à mon tour. C'était comme si j'étais sorti de l'ombre pour tomber dans une lumière électrique. Madeleine s'était approchée du bureau et mettait délicatement les cendres de la pipe de Raleigh dans une enveloppe. Elle renifla un instant la pipe, puis regarda le corps recroquevillé à ses pieds. « Le tuyau !» sursautai-je. « Wendell Marsh a été empoisonné par la pipe !» Madeleine referma l'enveloppe lentement. « Est-ce que vous venez juste de vous en rendre compte, Nora ?»« Mais le reste, ce que vous avez dit... » Madeleine pianota sur le volumineux livre d'histoire élisabéthaine. « Un jour, Nora, si vous me le rappelez, je vous donnerai le matériel pour ce que vous appelez un reportage dominical sur le côté historique du meurtre en tant qu'art. » Chapitre 5e. Dans un coin ombragé par un rideau de la véranda, Muriel Johnson nous attendait, adossée à une chaise drapée de bronze, dont les couleurs s'harmonisaient de façon presque saisissante avec l'or de sa chevelure. Sa ressemblance avec une enfant fatiguée était encore plus prononcée que la dernière fois que je l'avais vue. Je me surpris à jeter des coups d'œil furtifs à la recherche de Homer Truxton, mais il avait disparu. Mademoiselle Johnson prit l'initiative de notre entretien avec une nervosité, contrastant étrangement avec son hésitation lors de notre dernière rencontre. J'ai cru comprendre, Mademoiselle Mac, que vous aviez reçu une lettre de mon oncle vous demandant d'être présente ici, puis-je la voir ? Son impatience était évidente. Madeleine sortit de son sac à main l'enveloppe arrivée le matin, avec son remarquable message. Par deux fois, les yeux de Muriel Johnson parcoururent lentement son contenu. Madeleine l'observa en fronçant un peu les sourcils. Une tension soudaine s'était installée dans l'air, comme si nous étions toutes en train de nous préparer à un final inattendu. Et puis, comme un coup de tonnerre, il arriva. « Une communication curieuse, » suggère Madeleine. « J'espérais que vous pourriez y ajouter quelque chose. » Le visage fatigué dans le fauteuil drapé de bronze regarda fixement la pelouse. « Je le peux. » « Le fait le plus curieux de ce message, Mademoiselle Mac, est que Wendell Marsh ne l'a pas écrit. » Je n'ai jamais autant admiré le remarquable sang-froid de Madeleine. À l'exception d'une respiration presque imperceptible, elle ne donna aucun signe du choc qui dut l'étourdir autant que moi. Je restais bouche bée. « Mais je suppose que vous avez déjà découvert que je n'étais pas faite pour être détective. » Curieusement, Muriel Johnson ne laissa transparaître aucun soupçon d'étonnement dans son annonce. Son attitude suggérait un sentiment de détachement par rapport au sujet, comme s'il avait soudainement perdu de son intérêt. Et pourtant, il y avait moins d'une heure, il l'avait fait tomber en pamoison. « Vous voulez dire que la lettre est une fausse ?» demanda Madeleine à voix basse, « de toute évidence. » Et les tentatives d'assassinat de M. Marsh, auxquelles elle fait référence, il n'y en a pas eu. Je suis avec mon oncle depuis 6 mois sans interruption, je peux parler avec certitude. Mademoiselle Johnson fouilla dans un sac blanc. Voici plusieurs exemples d'écrits de M. Marsh. Je pense qu'il devrait suffire à vous convaincre de ce que je dis. Si vous en désirez d'autres... Je déglutissais comme une écolière buissonnière, tandis que Madeleine étalait sur ses genoux les 3 notes qui lui avaient été tendues. Il s'agissait de références professionnelles et personnelles décontractées, aucune ne dépassant une 30 lignes. Suffisamment cependant pour combler le gouffre soudain à nos pieds, assez pour souligner une écriture audacieuse et agressive, presque perpendiculaire, sans la moindre ressemblance avec l'écriture étriquée et hésitante de l'étonnante communication du matin. Madeleine se leva de sa chaise, lissant pensivement sa jupe. Elle resta un moment accoudée à la balustrade, contemplant un treillis de rose jaune, le visage tourné vers nous. Pour la première fois depuis le début de notre curieuse amitié, je ressentis de la pitié pour elle. L'impasse à laquelle elle faisait face semblait si abrupte, si définitive. Muriel Johnson changea légèrement de position. « Êtes-vous satisfaite, mademoiselle Mac ?»« Tout à fait. » Madeleine se retourna et rendit les trois notes. « Je suppose que cela signifie que vous ne voulez pas que je poursuive mon enquête ?» Je me retournai, consterné. Je n'avais jamais pensé à cette possibilité. « Au contraire, mademoiselle Mac, il me semble que c'est une raison supplémentaire pour continuer. » Je respirai à nouveau librement. Au moins, nous n'allions pas être congédiés avec la brusquerie dont avait fait preuve la femme de chambre de mademoiselle Johnson. Madeleine s'inclina assez distraitement. « Alors, si vous m'accordez un autre entretien, peut-être cet après-midi. » Mademoiselle Johnson tâtonna la fermeture de son sac. Pour la première fois, sa voix perdit un peu de sa franchise. « Avez-vous une explication pour cette étonnante contrefaçon ?» Madeleine regardait fixement la foule grandissante à la porte. Un frisson soudain la parcourut. « Avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom d'Orlando Jolio, mademoiselle Johnson ?» Mes yeux, suivant la direction du regard de Madeleine, furent ramenés brusquement sur la véranda. Pour la deuxième fois, Muriel Johnson s'était effondrée, évanouie. Alors que je m'élançais vers la cloche des domestiques, Madeleine m'interpella. Deux hommes, à l'allure indubitable de médecins, remontaient l'allée à grands pas. Au geste de Madeleine, ils se tournèrent vers nous. Le plus rapide des deux accéléra le pas lorsqu'il aperçut la personne assise dans le fauteuil. Instinctivement, je sus qu'il s'agissait du docteur Dench, et il ne fut pas nécessaire de faire une analyse approfondie pour déterminer que son compagnon était le médecin légiste local. D'une main habile, le docteur Dench chercha le pouls de mademoiselle Johnson, puis il leva vers nous un visage rouge, couvert de poils bruns et inquisiteur. « Un choc émotionnel, » expliqua Madeleine, « c'est grave. » La main sur la poitrine vacillante se dirigea vers une trousse à pharmacie et sélectionna une fiole de liquide brunâtre. Le regard qui la surplombait continua à scruter la silhouette svelte de Madeleine. Le docteur Dench était de type allemand, robuste, au regard d'acier, sûr de ses mouvements, avec le physique d'un animal splendidement musclé. Si l'on en croit les dires de la servante, Muriel Johnson n'aurait pas pu attirer des prétendants plus opposés. Le médecin légiste, un homme d'âge moyen, manifestement en admiration professionnelle devant son compagnon, tendit un verre d'eau. Mademoiselle Johnson écarquilla les yeux avant que le verre n'atteigne ses lèvres. Le docteur Dench retint son effort soudain pour se lever. « Buvez ça, s'il vous plaît. » Aucune émotion autre que professionnelle ne transparaissait dans sa voix. S'il aimait la jeune fille au visage gris pâle dans le fauteuil, il se contrôlait parfaitement. Madeleine se mit en retrait et me fit signe d'approcher. « Je pense que je peux partir maintenant en toute sécurité. Je retourne en ville. »« En ville, » répondis-je. « Je devrais être de retour en fin d'après-midi. Cela vous dérangerait-il d'attendre ici ?»« Mais pourquoi le diable ?» commençai-je. « Pouvez-vous dire au majordome d'envoyer la voiture ? Merci. » Lorsque Madeleine choisit de ne pas répondre aux questions, elle les ignore. Je me retirai aussi gracieusement que possible. Cependant, alors que son véhicule fit demi-tour sous la porte cochère, ma curiosité prit de nouveau le dessus sur ma retenue. « Dites-moi, au moins, qui est Orlando Jolio ?» demandai-je. Madeleine ajusta soigneusement son voile. « L'homme qui a permis la mort de Wendell Marsh. » Et elle partit. Je jetai un nouveau coup d'œil au trio de la véranda latérale, et avec ce que j'essayais de me convaincre être un haussement d'épaule philosophique, alors que je savais parfaitement qu'il s'agissait d'un mouvement de mauvaise humeur, je cherchais un coin retiré du salon avec mon bloc-notes et mon crayon à la main. Après tout, j'étais une journaliste et il n'était pas nécessaire d'avoir une imagination débordante pour imaginer la scène qui se déroulerait dans la salle de rédaction du Bugle si je n'envoyais pas un compte-rendu correct. Quelques minutes plus tard, un bruit de pas s'avançant vers l'escalier m'indiqua que le coroner et le docteur Dench montait pour l'examen tardif du corps de Wendell Marsh. Mademoiselle Johnson s'était manifestement rétablie ou avait été confiée aux soins de sa femme de chambre. Une fois, Peters, le majordome au visage de marbre, entra de façon fantomatique pour m'informer que le déjeuner serait servi à 1 heure, mais il s'effaça presque avant que mon regard ne revienne à mon écriture. je pris mon repas en compagnie du shérif Pellicord. Apparemment, le docteur Denge était toujours occupé à sa tâche macabre à l'étage, et il n'était pas surprenant que Mademoiselle Johnson préfère ses propres appartements. Si l'équilibre professionnel du shérif avait été ébranlé par les événements de la matinée, son appétit n'en avait pas été affecté. Son attention était trop absorbée par les efforts déployés pour rendre justice à l'hospitalité des marches, pour perdre du temps en discussion. Il termina sa dernière cuillerée des glaces à la fraise avec un lourd soupir de contentement, retira la serviette qu'il avait glissée sous son col, et comme s'il pensait aux factures de blanchisserie de la famille, la plia soigneusement et s'essuya les lèvres avec son mouchoir rouge. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre silence fut interrompu. Jetant un coup d'œil prudent dans la pièce et constatant que le majordome avait été appelé à la cuisine, il tenta, à mon grand étonnement, un clin d'œil confidentiel. « Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'il est advenu de cet autre homme. « Connaissez-vous la quatrième dimension, shérif ?» répondis-je solennellement. Je me levai de ma chaise et m'avançai vers lui. « Je crois qu'une étude approfondie de ce sujet répondrait à votre question. » Il était 3 heures lorsque je m'étirai dans mon coin du salon et que je glissai les dernières feuilles de mon article dans une enveloppe affranchie. Mon article était terminé, et Madeleine n'était pas là pour rectifier mon texte. Je souris d'un air plutôt joyeux en me tapotant les cheveux et en adressant tranquillement l'enveloppe. Le rédacteur en chef de la ville serait satisfait, même si Madeleine ne l'était pas. Lorsque j'entrai dans le hall, le docteur Denge, le coroner et le shérif Pellicord descendaient à l'escalier. De toute évidence, l'examen médical était terminé. En d'autres circonstances, les 3 expressions devant moi auraient constitué une intéressante étude de contraste. Le docteur Denge se coupant les ongles avec un stoïcisme professionnel, le coroner s'efforçant désespérément de copier le sang-froid de l'autre, et le shérif enfoui dans une solennité de hibou. Le docteur Denge remit son couteau dans sa poche. « Vous êtes l'assistant de Mademoiselle Mac, si j'ai bien compris ?» Je m'inclinai. Mademoiselle Mac a été appelée à l'extérieur. Elle devrait cependant être de retour sous peu. Je sentais le regard scrutateur du docteur qui me disséquait avec la minutie d'une opération chirurgicale. Je levai brusquement les yeux et lui rendis son regard. C'était un visage viril, magistral, et je dois l'admettre d'une beauté glaciale. Le docteur Denge ouvrit sa montre d'un coup sec. « Très bien, mademoiselle Nora Kerr, » répondis-je instinctivement. La barbe blonde s'inclina de quelques centimètres. « Nous attendrons. » « L'autopsie ? » osai-je, a-t-elle. « Le résultat de l'autopsie, je l'expliquerai à mademoiselle Mac. » Je me mordis la lèvre. Je sentis mon visage rougir en voyant que le shérif Pellicord essayait d'étouffer un sourire, et je me retournai avec un haussement d'épaule de frustration. Si j'avais été de nature vindicative, j'aurais ouvert mon enveloppe et inséré un paragraphe de représailles qui aurait remboursé l'affront du docteur Denge avec les intérêts. Je me flatte d'avoir mis l'enveloppe au bureau de poste de Three Forks, à l'arrière de l'épicerie, sans en modifier le contenu. En guise de récompense, je m'arrêtai à la pharmacie du coin et je permis à un jeune homme portant une magnifique chemise rose de me préparer un soda glacé au chocolat et à la crème. J'étais penché sur une paille asthmatique lorsque, par la fenêtre, je vis la voiture de Madeleine longer le trottoir. Je me précipitai sur le trottoir, tandis que le jeune homme me suivait d'un regard hébété. Le chauffeur fit une embardée. Madeleine se déplaça jusqu'au bout du siège lorsque je me hissai à ses côtés. Un seul coup d'œil suffisait à montrer que sa mission en ville, quelle qu'elle soit, s'était soldée par un échec. C'est peut-être la conscience de ce fait qui amena mes yeux sur son médaillon bleu turquoise. Il était ouvert. Je lui lançai un regard accusateur. « Vous avez repris des noix de cola, mademoiselle Mac ?» Elle hocha la tête d'un air maussade et avec perversité glissa dans sa bouche une autre de ses belles brins foncés qui lui avait permis de tenir pendant 48 heures sans dormir et presque sans manger. Pendant un instant, j'en oubliais même ma curiosité quant à sa mission. « J'aimerais que les droits des douanes soient tellement élevés qu'il soit impossible de faire entrer ces choses dans le pays. » Elle referma son médaillon sans daigner répondre. Plus mon emportement était volcanique, plus Madeleine était glaciale, en particulier sur le sujet des noix de cola. Je haussai les épaules en signe de résignation. Autant l'avoir fait dès le départ. Je redressai mon chapeau, passai mon mouchoir sur mon visage rougi et toussai d'un air interrogateur. Le silence se prolongea. Je me retournai, désespéré. Alors, cédai-je. Vous n'en savez pas assez, Nora Norraker, pour tenir votre langue. Mes émotions refoulées explosèrent. Écoutez, mademoiselle Mac, j'ai été snobé par le docteur Dench et le coroner. J'ai été ignoré par le shérif Pedicord et je ne vais pas vous laisser m'écraser. Quel est votre rapport? Bon, mauvais ou sans intérêt? Madeleine détourna son regard pour le fixer sur la route jaune et poussiéreuse. J'étais une imbécile, Nora. Une imbécile aveugle, bigote et imbue de sa personne. Je pris une grande inspiration. Ce qui veut dire? Madeleine tira de son sac l'enveloppe de cendre de tabac froid de la bibliothèque Marsh et la jeta sur le côté de la voiture. Je m'enfonçai dans les coussins. Alors le tabac, au final, ce n'est rien d'autre que du tabac inoffensif. Mais le tuyau, je pensais que le tuyau, c'est exactement ça. La pipe, ma chère enfant, a tué Wendell Marsh. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Madeleine, lui dis-je sévèrement, vous êtes une femme, même si vous gagnez votre vie en exerçant un métier d'homme. Ce dont vous avez besoin, c'est de crier un bon coup. Chapitre 6e. Le docteur Dench, qui faisait les 100 pas sur la véranda, fit tomber les cendres d'une meerschaum à tige d'ambre et s'avança à notre rencontre lorsque nous descendîmes. Le coroner et le shérif Pellicord tendirent le cou depuis des fauteuils en osier à l'arrière-plan. Il était assez facile de supposer que le docteur Dench s'était séparé d'eux brusquement, désireux de fumer tranquillement pour assembler ses idées. « Bourrez votre pipe, si vous le souhaitez, » dit Madeleine. « Cela ne me dérange pas. » Le docteur Dench inclina la tête et enfonça le fourneau de la meerschaum dans une grosse pochette de cuir. Une spirale de fumée bleue s'enroula bientôt autour de son visage. Il était de ce genre d'homme à qui la pipe confère une certaine distinction. D'un geste léger, il fit signe en direction du médecin légiste. Il convient peut-être d'entendre d'abord le docteur Williams en sa qualité officielle. À travers la fumée de sa meerschaum, ses yeux scrutaient le visage de Madeleine. J'eus l'impression qu'il ne savait pas à quel point il devait la prendre au sérieux. Le coroner s'agita nerveusement. À ses côtés, le shérif Pellicord cherchait à tâtons son mouchoir rouge. Nous avons procédé à un examen approfondi du corps de M. Marsh. « Mademoiselle Mac, un examen très approfondi. »« Bien sûr, il n'a pas été abattu, ni poignardé, ni étranglé, ni assommé, » interrompit Madeleine d'un ton vif. Le coroner jeta un coup d'œil interrogateur au docteur Dench. Ce dernier fumait avec impassibilité. « Ni empoisonné, » termina le légiste dans un souffle rapide. Une volute de fumée bleue s'échappant de la pipe du docteur Dench s'éclipsa au soleil. Le coroner fit tinter une poignée de pièces de monnaie dans sa poche. Le son me secoua curieusement les nerfs. Pas d'empoisonnement. Alors la théorie de Madeleine sur la pipe. Mon regard se tourna dans sa direction. Une nouvelle impasse, la plus grande impasse dans cette énigme faite d'impasse. Mais je ne trouvais pas sur son visage le désarroi que j'attendais. L'abattement que j'avais remarqué dans la voiture était retombé comme un manteau que l'on retire. Les traits fatigués avaient été effacés comme par une éponge. Ses yeux brillaient de cette lueur intense qui, je le savais, n'apparaissait que lorsqu'elle voyait une voix embrouillée s'ouvrir devant elle. « Vous voulez dire que vous n'avez trouvé aucune trace de poison ? » corrigea-t-elle. Le coroner se redressa. « Sous la supervision du docteur Dench, nous avons procédé à un examen très complet des différents organes, poumons, estomac, cœur. Et le cerveau, je présume ? Le cerveau, certainement pas. Et vous ? » Madeleine se tourna vers le docteur Dench. « Vous souscrivez à l'opinion du docteur Williams ?» Le docteur Dench retira sa pipe. « D'après notre examen du corps de M. Marsh, je suis prêt à affirmer catégoriquement qu'il n'y a aucune trace d'un quelconque état toxique. Dois-je en déduire que vous rendrez un verdict de mort naturelle ?» Le docteur Dench remua les cendres de sa pipe. « J'ai toujours l'impression, mademoiselle Mac, que le verdict dans une affaire de ce genre devait être rendu par le jury du coroner. » Madeleine défit son voile et retira ses gants. « Il n'y a pas d'objection à ce que je revoie le corps. » Le coroner la regarda fixement. « Le croque-mort s'en occupe maintenant. Je ne vois pas pourquoi il s'y opposerait, si vous souhaitez. » Madeleine se dirigea vers la porte. Derrière elle, le shérif Pellicord s'agita brusquement. « Ce que j'aimerais savoir, messieurs, c'est ce qu'est devenu cet autre homme. » Ce n'est qu'à 6 heures que je revis Madeleine et je la trouvai dans la bibliothèque rouge de Wendell Marsh. Elle était assise à l'immense bureau de son défunt locataire. Devant elle se trouvait une fiole de poudre gris blanchâtre, un petit rouleau encreur en caoutchouc, une demi-douzaine de feuilles de papier couvertes de ce qui ressemblait à des taches d'encre noire, et le tabac à pipe. Je m'arrêtai net, le regard fixe. Elle se leva, en haussant les épaules. « Des empreintes digitales, » expliqua-t-elle laconiquement. « Cette feuille appartient à Mademoiselle Johnson, la suivante à sa femme de chambre, la troisième au majordome Peters, la quatrième au docteur Dench, et la cinquième à Wendelmarsh lui-même. C'était ma première expérience de prise d'empreinte d'un homme mort. C'était intéressant. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec une affaire de ce genre ? » demandai-je. Madeleine ramassa la sixième feuille de papier maculé. « Nous avons ici les empreintes digitales du meurtrier de Wendelmarsh. » Je ne manifestai même pas mon étonnement. Je suppose que le kaléidoscope de la journée avait émoussé mes émotions. Je me souviens que j'ai réajusté une épingle à ma taille avant de prendre la parole. « Le meurtrier de Wendelmarsh, » répétai-je machinalement. « Il a donc été empoisonné. » Les yeux de Madeleine s'ouvrirent et se fermèrent sans réponse. Je m'approchai du bureau et je ramassai la lettre de M. Marsh du courrier du matin à côté de Madeleine. « Vous avez trouvé l'homme qui a écrit ce faux ?»« Ce n'est pas un faux !» Dans mon étourdissement, je laissai tomber la lettre au sol. « Vous avez donc découvert l'autre protagoniste de la lutte qui a détruit la bibliothèque. Il n'y avait pas d'autre homme. » Madeleine rassembla ses affaires sur le bureau. Sur le bord de la rangée de livres, elle souleva un petit volume à reliure rouge d'une largeur d'environ 5 cm, puis, sans réfléchir, le reposa. « À propos, Nora, j'aimerais que vous reveniez ici à 8 heures. Si ce livre est toujours là où je l'ai laissé, apportez-le-moi. Je pense que c'est tout pour le moment. Tout » sursautai-je. Est-ce que vous réalisez que... Madeleine se dirigea vers la porte. Je pense qu'à 8 heures vous pourrez remplir votre mission, dit-elle sans se retourner. Le crépuscule de la fin juin s'était transformé en une nuit profonde lorsque, ma montre indiquant 8h10, j'entrai dans la chambre du deuxième étage qui nous avait été assignée à Mademoiselle Mac et à moi-même. Madeleine, à la fenêtre, regardait fixement la cour couverte d'ombre. Alors, demanda-t-elle, votre livre n'est plus dans la bibliothèque, dis-je d'un air contrarié. Madeleine se retourna avec un sourire. Bien. Et maintenant, si vous voulez bien dire à Peters de demander à Mademoiselle Johnson de me rejoindre dans le salon avec tous les amis de la famille qu'elle souhaite voir présents, je pense que nous pourrons résoudre notre petite énigme. Chapitre 7e. C'était un curieux groupe que la gracieuse horloge suisse du salon de la Maison Marsh contemplait alors qu'elle sonnait la demi-heure de 8 heures. Avec un respect grave, mais également insistance, Mademoiselle Mac avait fait asseoir les autres occupants de la pièce qui avait répondu à sa convocation. Elle était la seule d'entre nous à être restée debout. Devant elle se trouvaient le shérif Pellicord, Homer Truxton, le docteur Dench et Muriel Johnson. Les yeux de Madeleine balayèrent nos visages pendant un moment en silence, puis elle traversa la pièce et ferma la porte. « Je vous ai fait venir, commença-t-elle, pour vous expliquer le mystère de la mort de M. Marsh. » Son regard balaya à nouveau nos visages. À bien des égards, elle nous a posé un problème particulier, presque unique. Nous trouvons un homme, apparemment en bonne santé, mort. L'observateur pense immédiatement qu'il s'agit d'un acte criminel, et pourtant son corps ne porte aucune trace de blessure ou d'ecchymose. L'examen médical ne révèle aucune trace de poison, l'autopsie ne révèle aucune trace de crime. Apparemment, nous avons éliminé toutes les formes de mort non naturelles. Je vous ai fait venir parce que les résultats de l'autopsie sont incorrects, ou plutôt incomplets. Nous ne sommes pas confrontés à une mort naturelle, mais à un crime. Et je dois dire d'emblée que je ne suis pas la seule à le savoir. Ce fait est partagé par une autre personne dans cette salle. Le shérif Pellicord se leva et s'approcha ostensiblement de la porte en lui tournant le dos. Madeleine eut un petit sourire à ce mouvement. « Je ne pense guère qu'il y aura une tentative d'évasion, shérif, » dit-elle tranquillement. Muriel Johnson était recroquevillée sur sa chaise, le regard fixe. Le docteur Dench étudiait Mademoiselle Mac avec le froncement de sourcils professionnels qu'il aurait pu avoir devant une anomalie sur la table d'opération. C'est Truxton qui prit la parole le premier, à la manière d'un garçon impulsif. « Si nous n'avons pas affaire à une mort naturelle, comment M. Marsh a-t-il été tué ?» Madeleine écarta une légère couverture d'un support placé à ses côtés et leva les yeux vers la pipe en grès rouge de Raleigh. Pendant un moment, elle la soupesa en réfléchissant. « L'outil de mort d'Orlando Giulio, vieux de 300 ans, expliqua-t-elle. « C'est lui qui a tué Wendell Marsh. » Elle pressa le fourneau de la pipe dans la paume de sa main. En tant qu'instrument de mort, il la rend presque indétectable. Nous avons examiné les cendres et n'avons trouvé que du tabac inoffensif. Les organes de la victime n'ont révélé aucune trace d'acte criminel. Il tapota gravement la longue tige. Mais l'examen des organes ne s'est pas porté sur le cerveau. Et c'est par le cerveau que le tuyau frappe, tuant d'abord l'esprit dans un cauchemar de folie, puis le corps. C'est ce qui explique le Capharnaüm que nous avons trouvé. L'épreuve apparemment de deux hommes engagés dans une lutte désespérée. Ces dégâts sont l'œuvre d'un seul homme, un fou, au moment de mourir. La drogue à laquelle nous avons affaire pousse sa victime dans une fureur folle avant que son corps ne succombe. Je crois que de tels cas sont assez fréquents en Inde. Alors M. Marsh a été empoisonné finalement, s'écria Truxton. Il était le seul des auditeurs de Mademoiselle Mac à prendre la parole. Non, pas empoisonné. Vous comprendrez au fur et à mesure que j'avance. La pipe que vous allez trouver ne contient apparemment qu'un seul fourneau et un seul canal, et à première vue, elle n'est remplie que de tabac. En réalité, il y a une chambre inférieure cachée sous le bol supérieur à laquelle s'étend un second canal. Cette chambre secrète est chargée d'un certain composé de chanvre indien et de feuilles de datura, l'un des plus puissants stimulants cérébraux connus de la science et l'un des plus dangereux s'il est utilisé au-delà d'une certaine dose. Depuis la chambre inférieure, il ne laisserait aucune trace, bien sûr, dans les cendres du dessus. Entre les deux compartiments de la pipe se trouve une légère ouverture de connexion, suffisante pour permettre aux chanvres situées en dessous d'être enflammées progressivement par le tabac brûlant. Lorsqu'une petite quantité du composé est utilisée, le fumeur est stimulé comme par aucune autre drogue, pas même l'opium. Augmentez la quantité au-delà du seuil de dangerosité et observez le résultat. La victime n'est pas empoisonnée au sens strict du terme, mais littéralement étouffée par les fumées. Dans la voix de Mademoiselle Mac, il y avait la palpitation de l'étudiant avant la création du maître. J'aimerais conserver cette pipe, Mademoiselle Johnson, si vous voulez vous en débarrasser. La jeune fille regardait toujours fixement. C'est Orlando Giulio, l'empoisonneur médiéval, dit-elle, que mon oncle a décrit, dans le 17e chapitre de Les grands cyniques du monde. Termina Madeleine. J'ai pris la liberté de lire le chapitre sous forme de manuscrit. Giulio, cependant, n'a pas découvert la drogue. Il l'a simplement fait connaître au public anglais. En fait, c'est l'un des plus anciens stimulants de l'Orient. Il est facile de supposer que Giulio ne l'utilisait pas comme stimulant, mais comme un instrument de meurtre déroutant. Le mécanisme de la pipe est bien sûr une invention de Giulio. Le fumeur, s'il n'était pas dans le secret, ne se rendait absolument pas compte du danger qu'il courait. Il pouvait même utiliser la pipe en toute sécurité jusqu'à ce que la chambre inférieure soit chargée. Le shérif Pellicord, appuyé contre la porte, s'essuie le visage avec son mouchoir rouge comme un homme hébété. Le docteur Dench étudia toujours Mademoiselle Mac avec son froncement de sourcils. Madeleine changea brusquement d'angle. La nuit dernière, ce n'était pas la première fois que la chambre à chambre de la pipe de Wendell Marsh était chargée. Nous pouvons retracer l'effet de la drogue sur son cerveau depuis plusieurs mois. Hallucination, ennemi imaginatif en voulant à sa vie, folie naissante. Cela explique la lettre étonnante qu'il m'a adressée. Wendell Marsh n'avait pas neuf vies, mais une seule. Les périls qu'il décrivait n'étaient que des fantaisies de la drogue. Par exemple, l'épisode de la tarte aux cerises empoisonnée. Aucune tarte n'a été servie à la table hier. La lettre qui m'a été adressée n'était pas un faux, Mademoiselle Johnson, bien que vous ayez été sincère lorsque vous l'avez déclarée telle. Le changement complet de l'écriture de votre oncle n'était qu'un autre effet de la drogue. C'est ce fait, en fin de compte, qui m'a conduite à la vérité. Vous ne vous êtes pas rendu compte que les dates de vos notes et des miennes étaient écrites à 6 mois d'intervalle. Je savais qu'un choc mental terrible avait dû se produire entre-temps. Et puis, les ravages de la drogue sur la victime ont été immédiatement suggérés par les rideaux de la bibliothèque. Ils n'étaient pas seulement déchirés, mais carrément mâchés. Une tension soudaine s'était installée dans la pièce. Nous nous déplacions nerveusement, évitant plutôt le regard de l'autre. Madeleine reposa la pipe sur le support. Elle n'était manifestement pas pressée de continuer. C'est encore Truxton qui posa la question principale du moment. Si M. Marsh a été assassiné comme vous le décrivez, Mademoiselle Mac, qui l'a tué ? Madeleine jeta un coup d'œil au docteur Dench. Auriez-vous l'amabilité de me remettre le livre en cuir rouge que vous avez pris sur le bureau de M. Marsh ce soir, docteur ? Le médecin la regarda fixement. « Vous pensez que c'est nécessaire ?»« Je crains de devoir insister. » Le docteur Denge hésita un instant. Puis avec un haussement d'épaule, il fouilla dans la poche de son manteau et sortit le volume à reliure rouge pour lequel Mademoiselle Mac m'avait envoyé faire une course infructueuse à la bibliothèque. Lorsque Madeleine l'ouvrit, nous vîmes qu'il ne s'agissait pas d'un volume imprimé, mais qu'il était rempli de plusieurs centaines de pages d'une écriture serrée et minuscule. Le regard du docteur Denge se porta sur Muriel Johnson pendant que Mademoiselle Mac parlait. J'ai ici le journal de Wendell Marsh, qui nous montre qu'il avait pris l'habitude de rechercher le stimulant du chanvre indien, ou hashish, depuis un certain temps, peut-être en raison de sa vie retirée et sédentaire et de l'attention qu'il portait à ses livres. Jusqu'à ce qu'il achète les reliques de Bainford, il avait pris ce stimulant sous la forme relativement inoffensive de feuilles en poudre ou bang, comme on l'appelle en Orient. L'acquisition de la pipe de Julio et la découverte accidentelle de son mécanisme le conduisirent à adopter le composé de chanvre et de datura, préparé pour être fumé, appelé en Inde charas. Le capitaine E. N. Windsor, bactériologiste du gouvernement birman, affirme que cette substance est directement responsable d'un grand nombre de cas d'aliénation mentale en Orient. Wendell Marsh, cependant, ne s'est pas rendu compte du danger qu'il courait, ni de la force de ce dernier composé par rapport à la forme de la drogue à laquelle il était habitué. Le docteur Denge s'efforça désespérément de l'avertir de son danger et de le libérer de son addiction, comme l'indique le journal, mais la victime était trop profondément accro. En fait, la situation avait atteint un point de non-retour où elle ne pouvait plus être dissimulée. Les serviteurs les plus anciens soupçonnaient déjà la vérité. Je suppose que c'est la raison pour laquelle vous craignez mes investigations dans cette affaire, Mademoiselle Johnson. Muriel Johnson regardait Madeleine avec hébétement. Je peux comprendre et admirer les efforts du docteur Denge pour dissimuler le fait au public, d'abord en supervisant l'enquête, qui aurait pu révéler la vérité, et ensuite en retirant le journal traître, que j'ai laissé délibérément exposer dans l'espoir qu'il puisse inspirer une telle action. S'il n'avait pas été subtilisé, j'aurais pu soupçonner une autre explication de l'affaire malgré certaines preuves du contraire. Le visage du docteur Denge était devenu blanc. Mon Dieu, Mademoiselle Mac, voulez-vous dire que finalement ce n'était pas un suicide ? Ce n'était pas un suicide, dit Madeleine à voix basse. Elle se dirigea vers la porte opposée. Lorsque j'ai déclaré que ma connaissance du fait que nous n'avions pas affaire à une mort naturelle était partagée par une autre personne dans ce salon, j'aurais pu ajouter qu'elle l'était par une troisième personne qui n'était pas dans la salle. D'un geste brusque, elle ouvrit la porte devant elle. De l'antichambre attenante surgit la silhouette de Peters, le majordome. Il nous dévisagea, le visage gris de terreur, puis s'écroula à genoux. Madeleine s'écarta brusquement lorsqu'il essaya d'attraper ses jupes. « Vous pouvez arrêter le meurtrier de Wendelmar, shérif, » dit-elle gravement. « Je pense que vous feriez mieux de l'emmener dehors. » Elle fit face à nos regards ahuris lorsque la porte du salon se referma derrière M. Pédicorde et son prisonnier. Elle prit à nouveau la pipe en grès de Raleigh, et avec elle, deux feuilles de papier maculées des empreintes d'un pouce et d'un doigt humain. C'est finalement la pipe qui m'a conduite à la vérité, non seulement sur la méthode, mais aussi sur l'identité de l'assassin, expliqua-t-elle. La main qui a placé la charge fatale dans la chambre cachée a laissé son empreinte sur la surface de la pipe. Les doigts, maculés de la poussière de la drogue, ont laissé une empreinte que j'aurais immédiatement détectée si je n'avais pas été tellement occupé par ce que je pouvais trouver à l'intérieur que j'avais oublié ce que je pouvais trouver à l'extérieur. Je crains fort de m'être permis la grande erreur du détective moderne, le manque de minutie. La comparaison avec les empreintes digitales des différents protagonistes de l'affaire a bien sûr fait de l'étape suivante un simple détail de comparaison mathématique. Pour m'assurer de son identité, j'ai découvert que mon suspect possédait non seulement l'occasion et les connaissances nécessaires pour commettre le crime, mais aussi le mobile. Dans sa jeunesse, Peters était apprenti chimiste, ce qu'il mit au service de son maître pour obtenir les médicaments qui étaient devenus si nécessaires à la vie de M. Marsh. Si Wendell Marsh s'était présenté en personne pour s'approvisionner de façon aussi continue, son identité aurait rapidement fait l'objet de commérages. Il comptait sur son serviteur pour être son agent, un détail qu'il mentionne plusieurs fois dans son journal, promettant à Peters un legs généreux dans son testament en guise de récompense. Je pense que c'est le rêve de ce legs, qui aurait représenté une petite fortune pour un homme dans sa position, qui a fait travailler le cerveau du majordome sur son plan perfide de meurtre. Les cheveux blonds de Mademoiselle Mac couvraient les épaules de son peignoir blanc en une grande et épaisse tresse. Elle était calée dans des oreillers moelleux avec son roman préféré, Les Trois Mousquetaires, ouvert sur le siège historique de Porthos dans la cave à vin. Nous avions choisi de passer la nuit dans la maison du Marais. Madeleine leva les yeux lorsque j'apparus dans l'embrasure de la porte de notre chambre. « Permettez-moi de soumettre un problème à votre capacité d'analyse, Mademoiselle Mac, » dis-je humblement. « D'après vos connaissances de la psychologie féminine, quel homme Muriel Johnson récompensera-t-elle ? Le médecin gravement protecteur ou le garçon admiratif Troxton ?»« Si elle avait 30 ans, » répliqua Madeleine en bâillant, « elle serait assez sage pour choisir le docteur Dench. Mais comme elle n'a que 22 ans, ce sera Troxton. » Avec un soupir, elle se tourna à nouveau vers les exploits de KPDP du valeureux Porthos. Ainsi s'achève « L'homme aux neuf vies » par Hugh C. Ware.